Le paradis des eaux par Isabelle Eberhardt. Enregistré par Christiane Johann. Le paradis des eaux, chronique. Des négresses, au corps mince et souple, dansaient, baignées de lueurs bleuâtres. Dans leurs visages très noirs, les mailles de leurs dents brillaient en de singuliers sourires. Elles drapaient leurs formes grêles en de longs voiles rouges, bleu ou jaune soufre, qui s'enroulait et se déroulait au rythme bizarre de la danse et flottait au vent, devenant parfois diaphanes comme des vapeurs. Leurs mains sombres agitaient les doubles castagnettes en fer des fêtes soudanaises. Tantôt les castagnettes battaient en une cadence sauvage, tantôt elles se heurtaient sans bruit. Mais les négresses se détachèrent peu à peu du sol et flottèrent en l'air. Leurs corps s'allongèrent, se tordirent, se déformèrent, tourbillonnant comme les poussières du désert au soir de Sirocco. Enfin, elles s'évanouirent dans l'ombre des poutres enfumées sous le plafond. Les yeux du vagabond s'ouvrirent péniblement. Son regard erra sur les choses. Il cherchait les étranges créatures qui, quelques instants auparavant, dansaient devant lui. Il les avait vues, il avait entendu leurs rires de gorge semblables à de sourds gloussements, il avait senti sur son front brûlant les souffles chauds que soulevaient leurs voiles. Elles avaient disparu, laissant au vagabond le souvenir d'une angoisse inexprimable. Où étaient-elles maintenant? L'esprit fatigué du vagabond cherchait à sortir des limbes où il flottait depuis des heures ou depuis des siècles, il ne savait plus. Il me semblait revenir d'un abîme noir où vivaient des êtres, où flottaient des choses subissant des lois différentes de celles qui régissent le monde de la réalité. Le cerveau surchauffé du vagabond s'efforçait douloureusement à chasser les visions troubles. Un grand silence pesait sur la zaouïa accablée de sommeil. C'était l'heure mortelle de midi, l'heure des mirages et des fièvres d'agonie. La chaleur s'épaississait sur les terrasses en toubes incandescentes et sur les dunes qui scintillaient au loin. On avait couché le vagabond malade sur une natte, dans un réduit donnant sur une terrasse haute. La petite pièce s'ouvrait toute grande sur le ciel de plomb et sur le désert de pierre et de sable qui brûlait sous le soleil. Aux poutrelles de palmiers du plafond, on avait suspendu une outre en peau de bouc. L'eau s'égouttait lentement dans un grand plat de cuivre posé à terre. Toutes les minutes, la goutte tombait, résonnant sur le métal avec un bruit clair et régulier, d'une monotonie de tic-tac d'horloge d'hôpital ou de prison. Ce bruit causait au vagabond une souffrance aiguë, comme si la goutte obstinée tombait sur son crâne en feu. Accroupi auprès du malade, un esclave soudanais, aux joues ornées de profondes entailles, agitait en silence un chasse-mouche en crainte à un haut-aîné. Le vagabond regardait l'esclave. Pendant des instants longs comme des années, il imaginait la volupté qu'il éprouverait quand l'esclave aurait enlevé le plat sur son ordre et quand la goutte d'eau tomberait sur le sol battu avec un bruit mat. Mais le vagabond ne pouvait parler. Et la goutte tombait toujours, inexorable, sonnant sur le cuivre poli. Les poutrelles du plafond s'évanouirent. Maintenant, c'étaient des palmes d'un bleu argenté qui se balançaient et bruissaient au-dessus de la tête du vagabond. Autour des troncs fuselés des dattiers, sous les frondaisons arquées, des pampres très verts s'enroulaient et des grenadiers en fleurs saignaient dans l'ombre. Le vagabond était couché dans une séguia, sur de longues herbes aquatiques, molles et enveloppantes comme des chevelures de femmes. Une eau fraîche et limpide coulait le long de son corps et il s'abandonnait voluptueusement à la caresse humide. Un autre séguia coulait à portée de sa bouche. Parfois, sans faire un mouvement, il recevait l'eau glacée entre ses lèvres. Il la sentait descendre dans son gosier desséché, dans sa poitrine, où s'éteignait peu à peu l'intolérable brûlure de la soif. L'eau, l'eau bienfaisante, l'eau bénie des rêves délicieux. Le vagabond s'abandonnait aux visions nombreuses, aux extases lentes du paradis des eaux, où il y avait d'immenses étangs glauques sous des dattiers gracieux, où coulaient d'innombrables ruisseaux clairs, où des cascades légères ruisselaient des rochers couverts de mousses épaisses, et où de toutes parts des puits grinçaient, répandant à l'entour des trésors de vie et de fécondité. Quelque part, très loin, une voix monta, une voix blanche qui glapissait dans le silence. Elle venait des horizons inconnus, à travers les verdures et les ombrages éternels du paradis des eaux. La voix troubla le repos du vagabond. De nouveau, ses yeux s'ouvrirent sur la petite chambre d'exil. La voix s'affirma réelle, monta. L'homme des mosquées annonçait la prière du milieu du jour. L'esclave dressa l'index noir de sa main droite et attesta tout haut l'unité de Dieu et la mission prophétique de Mohammed. Puis il se leva, drapant son grand corps d'ébène dans ses voiles blancs. Il pria. À chaque prosternation, sa koumia, son long poignard marocain à lame courte et à gaine de cuivre ciselé, heurta le sol. Il disait « Dieu est le plus grand ». Et il se prosternait, le front dans la poussière, le regard tourné vers la Ghebla. Le vagabond suivait des yeux les gestes lents de l'esclave. Quand il eut fini de prier, le Soudanais reprit sa place près du malade et agita de nouveau le long chasse-mouche en crin. Des vapeurs rousses montaient des terrasses qui se fendaient. Dans l'air immobile, lourd comme du métal en fusion, aucune brise ne passait, aucun souffle. Les vêtements blancs du vagabond étaient trempés de sueur et il sentait un poids écrasant oppresser sa poitrine. Une soif brûlante, une soif atroce que rien ne pouvait apaiser, le dévorait. Ses membres étaient brisés et endoloris, et sa tête lourde roulait sur le sac qui lui servait d'oreiller. L'esclave trempa un lambeau de mousseline dans un vase plein d'eau et en humecta le visage et la poitrine du vagabond. Puis il lui versa dans la bouche quelques gouttes de thé tiède à la menthe poivrée. Le vagabond soupira et étira ses membres là. La voix du Moëden s'était tue sur le xar accablé de chaleur. L'esprit du vagabond plana de nouveau dans les régions vagues peuplées d'apparitions étranges et où coulaient les eaux bénies. Le jour de feu s'éteignait dans le rayonnement rouge de la vallée des collines. Au-delà des sepkas de sel, les dattiers s'allumèrent comme de grands cierges noirs. De nouveau, le Moueden clamait son appel mélancolique. Le vagabond était tout à fait éveillé maintenant. Les yeux aux paupières meurtries et alourdies s'ouvraient avidement sur la splendeur du soir. Soudain, une tristesse infinie descendit dans son cœur. Des regrets enfantins l'envahirent. Il était seul, seul dans le recoin de la terre marocaine, et seul partout où il avait vécu, partout où il irait toujours. Il n'avait pas de patrie, pas de foyer, pas de famille, ni même d'amis. Il avait passé comme un étranger et un intrus, n'éveillant que la réprobation et l'éloignement. À cette heure, il souffrait, loin de tout secours, parmi les hommes qui assistent, impassibles, à la ruine de tout ce qui les entoure, et qui se croisent les bras devant la mort et la maladie en disant « Mektoub ». Sur aucun point de la terre, aucun être humain ne songeait à lui, ne souffrait de sa souffrance. Le cœur du vagabond se serra affreusement et des larmes roulèrent dans ses yeux. Puis, plus lucide, calmé, il méprisa sa faiblesse et sourit. S'il était seul, n'était-ce pas parce qu'il l'avait souhaité, aux heures conscientes où sa pensée s'élevait au-dessus des sentimentalités du cœur et de la chair, également infirmes ? Être seul, c'est être libre, et la liberté était le seul bonheur accessible à la nature du vagabond. Alors il se dit que sa solitude était un bien, et une grande paix mélancolique et douce descendit dans son âme. Un souffle chaud se leva vers l'ouest, un souffle de fièvre et d'angoisse. La tête déjà lasse du vagabond retomba sur l'oreiller. Son corps s'anéantissait en un engourdissement presque voluptueux. Ses membres devenaient légers, flous, comme s'ils avaient peu à peu cessé d'exister. La nuit d'été, sombre et étoilée, tomba sur le désert. L'esprit du vagabond quitta son corps et s'envola pour toujours vers les jardins enchantés et les grands bassins bleuâtres du paradis des eaux. Isabelle Eberhardt, Kenatsa, juin 1904.